Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous, qui va être consacrée donc à un magazine santé. On vous l'avait promis, je pense que l'avenir, on va poursuivre un magazine santé ponctuellement, certainement le premier mardi du mois. Voilà, alors je vais vous présenter mes invités. Donc il y a Sandy. Bonsoir. Didier Henry. Bonsoir. Ex-gynécologue à retraite maintenant et donc responsable de la maternité d'Ormiremont. C'est ça, Didier, on peut dire comme ça? Oui, c'est ça. J'ai été responsable depuis 1986 jusqu'en 2016 environ. Responsable et chef de service de la maternité. Voilà. Et puis maintenant, membre du conseil d'administration d'ADEMAT, qui défend bien sûr la maternité et l'hôpital de Remiremont. Exactement. On y reviendra peut-être en cours d'émission, reparler un petit peu de cette manifestation de samedi dernier. Et puis, Jean-Noël. Alors, Jean-Noël Delahaye, je suis un des membres de la mutualité française, chargé sur la Lorraine de... plusieurs choses, mais de la prévention santé aussi. Et donc, voilà, on va pouvoir débattre, je pense, très, très tranquillement et très sincèrement avec vous. Voilà, merci. Eh bien, merci de ta présence. Hein. Merci, Didier. Et donc, la prévention, il faudra peut-être définir ce qu'est la prévention pour la santé. La définition du mot santé est large. Hein. Si on s'en tient à la définition de l'OMS, c'est pas que l'absence de maladie, c'est l'épanouissement de la personne. Quoi. Alors, je pense qu'il faut aussi un petit peu dissocier, même si on additionne, à la fois ce qui est prévention primaire, on pourrait dire, hein, l'alimentation, l'absence d'addiction, etc. Et puis le dépistage. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette conception de la prévention? Alors pour moi, il y a plusieurs types de prévention. On peut parler à la fois de prévention primaire, de prévention secondaire, mais également de prévention tertiaire et même quaternaire. Donc la prévention primaire... On peut dire que c'est l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé, donc à réduire l'apparition de nouveaux cas. Elle consiste à agir en amont pour éviter l'apparition de cette maladie. Et donc c'est un peu la promotion de la santé. Et puis ensuite, vous avez la prévention qui est secondaire. Alors le problème, c'est que la maladie, elle est là. Mais il faut, elle est par exemple, bon, si on prend... Elle est à l'état latent et il faut la dépister le plus tôt possible pour éventuellement la traiter. Et la prévention tertiaire, à ce moment-là, c'est la maladie, elle a été traitée, mais il faut la traiter de manière à entraîner le moins possible de séquelles et de handicap. Voilà, en gros, les trois préventions... Et lutter contre les récidives possibles. Et lutter contre, bien sûr, les récidives, ça c'est clair. Ouais. Voilà, en gros, pour moi, la prévention. Tu parlais de prévention quaternaire aussi. Alors la prévention quaternaire, on est déjà au-delà de la prévention, c'est plus de la prévention, c'est quand on arrive au bout de la maladie, c'est de permettre aux gens de vivre leurs dernières années de vie le mieux possible. C'est-à-dire que le problème actuel maintenant, c'est plus un problème de durée, c'est un problème de qualité de vie. C'est-à-dire tout le monde s'entend maintenant pour dire que finalement, c'est quand même mieux, plutôt que de se battre que les gens durent dans le temps, c'est mieux qu'ils durent peut-être un peu moins, mais que la qualité de leur vie soit meilleure. Donc moi, c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle la prévention quaternaire. Oui, c'est-à-dire conduire le patient, le malade, jusqu'au bout de son chemin, on pourrait dire. Voilà, c'est ça, exactement. Dans les meilleures conditions possibles pour éviter, voilà, pour éviter les souffrances inutiles. Exactement. C'est de la dignité, surtout. C'est surtout oui, ça, tout ouais. à fait, oui, tout à fait. Alors maintenant, je voudrais poser des poser un petit peu le problème par rapport aux différentes institutions, dont la mutualité d'ailleurs, dont la caisse primaire d'assurance maladie, parce que je crois, Jean-Noël, que tu étais membre aussi du conseil d'administration, oui. Enfin, du conseil de surveillance, comment on l'appelle maintenant, le conseil tout simplement. Hein. Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Quel est le rôle, tu peux peut-être nous exposer un peu le rôle des différentes institutions, des associations, etc., dans la prévention primaire au moins, et secondaire. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Hein. Donc, il y a les acteurs du territoire. Hein. Il peut y avoir, par exemple, des communes, des communautés d'agglomération. La caisse primaire d'assurance maladie. Après, vous avez la mutualité. Vous avez les CCAS aussi qui prennent tout un certain nombre d'éléments en charge. Donc, on peut faire de la prévention large pour prévenir et aussi guérir certaines maladies. Quoi, voilà. Quel peut être le rôle du département et de la région, la grande région ? Là, on l'a vu au travers du problème des déserts médicaux. Et là, c'est la rencontre et mettre un certain nombre d'acteurs en présence, y compris l'ARS. Et des fois, c'est pas facile non plus avec l'ARS, puisque de toute façon, ils ne font que descendre des décisions brutales sur le budget et parler d'économie, de gestion, alors que des fois... C'est pas que ça, c'est pas la prévention, c'est pas non plus que des moyens financiers, c'est aussi la participation, c'est une certaine éducation populaire, c'est voilà, je crois que c'est un domaine qui est très très large. Moi, par expérience, je vais donner un exemple, c'est par exemple sur le SIDA. Eh ben, parler du sida à une certaine époque, c'était... voilà. Et puis, après, il a fallu, dans des phases difficiles, pour expliquer le sida, présenter les moyens de protection. Et tout ça, ces questions-là, il y en a qui les tournent en rigolade et d'autres les prennent au sérieux. Tu penses que la puissance publique, hein, l'État caractérisé à l'échelle locale par l'ARS, ne mettent pas en œuvre des moyens suffisants pour la prévention ? Le problème, ils sont dans des stratégies de restriction, gain de productivité, on entend parler à l'ARS. Alors donc, à partir de ce moment-là, comment donner les moyens, une fois qu'on a restreint certains objectifs sur la prévention ? Donc, il n'y aura pas les moyens pour... par exemple, j'ai donné un exemple. Hein, sur, par exemple, le sida, il y avait, par exemple... pour accompagner, pour faire comprendre certaines populations. Il y avait des pièces de théâtre avec des acteurs, etc., qui venaient, hein, comme pour, par exemple, sur les problèmes de retraite, etc., hein, dans le vieillissement. Ces questions-là étaient abordées, y compris théâtralement, musicalement, et aujourd'hui, on voit aussi dans d'autres domaines. De manière plus expressive, et, plus festive. Oui, hein. plus éducative. Plus aussi. Éducative, et puis le problème, c'est... faire participer, c'est-à-dire être acteur de sa santé. Voilà. Il faut dire aussi que finalement, quand on voit la prévention en général, c'est extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de domaines qui sont juxtaposés l'un à côté de l'autre et finalement qui ne communiquent pas. Beaucoup d'acteurs. Si on, et oui. Et par exemple, on voit en matière, par exemple, enfin moi, c'était mon métier. Hein, quand on prend, par exemple, en matière de cancer du sein. Le cancer du sein, si vous voulez, le problème, il est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que l'essentiel des cancers du sein, beaucoup de cancers du sein, dépendaient des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est un gros, gros problème parce que ça vient, ça touche à la fois... C'est des études récentes et qui sont parfois contestées. Ah mais récentes, oui, mais non, c'est plus contesté, hein, plus du tout. Hein. Ça, alors les perturbateurs endocriniens, c'est depuis presque 20 ans qu'on commence à en parler, qu'on en parle. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que... Ça n'a pas été vulgarisé au niveau du grand public. Ben justement, moi je pense que ça a été mal vulgarisé. Parce que si vous voulez, le problème, on peut en parler un petit peu, si vous voulez, de ces fameux perturbateurs endocriniens. Jusqu'à présent, on disait toujours, le poison, c'était dû à un effet dose. C'est-à-dire que finalement, il suffisait d'avoir un poison quelconque hein, dans de l'eau ou n'importe, et que les effets délétères apparaissaient à une certaine dose. Et bien, c'est fini, ça. C'est oui, plus comme sûr. Ça que ça marche. Pour les perturbateurs endocriniens, on se rend compte que, par exemple, des doses infimes de perturbateurs endocriniens vont agir sur les cellules mammaires, et même à l'inverse, elles seront plus toxiques qu'une dose importante. Pourquoi ? Eh bien, parce que les perturbateurs, les hormones, elles agissent par des récepteurs. Quand vous donnez des hormones à petite dose, les récepteurs sont stimulés. Et quand vous avez des hormones qui sont données à haute dose, ça va bloquer les récepteurs. Donc, il faut bien comprendre le mécanisme. Et puis, il y avait aussi le fait aussi qu'il y a des effets, ce qu'on appelle l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'un perturbateur endocrinien tout seul, il ne donnera pas d'effet. Mais avec une deuxième molécule, voire une troisième molécule, les effets vont s'ajouter pour donner un effet délétère. Et tout ça, voilà, il faut bien le comprendre. Et ça, nous, le cancer du sein, on est en plein dedans, quoi. Hein. Surtout que les perturbateurs endocriniens, on en trouve avec toute l'industrie chimique qui nous balance des molécules à longueur de journée. C'est énorme, énorme. Je veux dire, nous, on connaît 3000 molécules, mais il y en a 140 000 des molécules. Et on les a tous étudiées. On parlait étudiées. Quelquefois de 3000 molécules nouvelles tous les ans. Qui est produit par l'industrie chimique. 3000 molécules par an, non, c'est pas exactement ces chiffres-là. Moi, j'en étais resté en 1960, on avait environ 3000 molécules, et maintenant, on en a 140 000. Ouais, donc, vous voyez, il y a un effet d'accélération de l'industrie chimique qui balance justement... Il y en a certaines qui n'étaient pas recensées peut-être à l'époque, qui maintenant sont recensées comme perturbateurs endocriniens, je oui, pense. Oui, tout à fait. Mais par exemple, les études qui sont faites récemment sur le rat, et la cellule de rat, elle est assez comparable à la cellule humaine. On s'aperçoit que, par exemple, je crois que c'est sur 300 molécules, il y en a 75 qui agissent comme perturbateurs endocriniens. Il y en a d'autres qui agissent comme effet directement toxique. Hein. Et puis il y en a d'autres qui agissent sur le génome, qui modifient le génome. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe, ça. Donc ça demande des études, ça demande à la fois des études... sur le plan santé, sur le plan des équipes médicales et des chercheurs, mais aussi sur l'eau, la qualité de l'eau. Toutes ces nappes phréatiques qui... Ils sont pollués aujourd'hui par les pesticides. Oui, les antibiotiques et tout ça, c'est fou ce qu'on peut trouver actuellement dans l'eau. Par des oestrogènes aussi. Moi, j'ai un ami que je voyais encore hier qui me racontait que quand il analysait l'eau de certains ruisseaux, notamment dans les Vosges, par endroits, c'était incroyable ce qu'il pouvait trouver comme... Perturbateur endocrine. Perturbateur, oui, c'est ça. C'est le cas, par exemple, de la chlorie. Et c'est les perturbateurs endocriniens sont... contenu déjà dans les tissus qui sont livrés au blanchiment. Et ben voilà, c'est-à-dire que nous, on fait venir d'Inde, par exemple, des ballots de coton, et puis ces ballots de coton, il faut les laver. Alors on lave, et finalement, on se retrouve avec une eau qui est complètement polluée, donc la chlorie, parce que c'est vrai qu'au début, on ne savait pas d'où ça venait. Donc ils ont cherché, jusqu'au jour où, en fait, La pollution, elle était importée. Elle était importée d'Inde par le biais de ces ballots. D'ailleurs, les blanchisseurs l'ont découvert aussi tardivement, hein, ce phénomène de perturbateurs endocriniens qui déversaient eux-mêmes dans l'eau potable, dans l'eau de la chlorie. Oui, c'est sûr. Alors, mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que les praticiens hospitaliers... En particulier au niveau des maternités, au niveau du suivi des parturientes, au niveau du suivi des femmes en général par rapport au cancer du sein, ne se sont pas exprimés suffisamment sur ce problème des perturbateurs endocriniens. Pourquoi ? Ou très tardivement ? En fait, le problème des perturbateurs endocriniens, c'est vrai que c'est quand même relativement nouveau comme problème. Je veux dire, nous, les médecins, moi, en ce qui me concerne, quand j'ai fait mes études de médecine dans les années 70, par là, on parlait pas de perturbateurs endocriniens. Et progressivement, c'est monté en puissance. Mais c'est monté en puissance pourquoi ? Eh bien, parce que le taux de cancer du sein a doublé. Depuis les années 80 jusque maintenant, ça a plus que doublé. Moi, j'avais les chiffres, si vous voulez. Bon, c'est un exemple. On va peut-être pas rester tout le temps au cancer du sein. Mais en 1980, on avait 21 000... C'est quand même le premier cancer... De la femme. Le premier cancer de la femme. Chez la femme. Dans 180 pays, dans 164 pays, pardon, sur 184, c'est le premier cancer de la femme. Et le deuxième, maintenant, entre en ce moment, celui qui monte en puissance, c'est le cancer du poumon, à cause du tabagisme féminin. Mais je vais vous dire, je reprends les chiffres. En 1980, on avait 21 000 femmes qui étaient touchées par le cancer du sein par an en France. 21 000 en 80. En 2012, on en avait 48 000. Ça avait plus que doublé. Vous voyez, en 32 ans... Un meilleur dépistage aussi. Parce que là, il y a un effet de décalage. Alors on a dit plein de choses. On a dit plein de choses. On dit effectivement. Alors, on pourra reparler du dépistage parce que c'est de la prévention secondaire, le dépistage par la mammographie. Mais on s'est rendu compte que finalement, c'était pas un problème de dépistage. On a dit aussi que c'était un problème d'âge, hein, c'est-à-dire que la population vieillissait et que y avait plus de cancers à cause de ça. Mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un effet un peu... l'augmentation du cancer va avec l'âge. On est d'accord. Hein. Plus on vieillit, plus on a de risques de faire de cancer. Mais c'est pas dû qu'à ça. C'est dû à autre chose. Donc il fallait chercher ailleurs. Et c'est là qu'on a trouvé toutes ces substances à la fois toxiques, les problèmes environnementaux, l'air, la pollution de l'eau, les perturbateurs endocriniens, et tout ça qui ont fait qu'on s'est dit « Ah ben tiens, il faudrait peut-être quand même qu'on s'inquiète de ce qui se passe exactement. » Et alors le problème, c'est que tout le monde a cherché dans une direction particulière, mais il y a eu peu de communications qui ont été faites entre les différents secteurs. Et il faudrait que maintenant, les gens communiquent. Que ce soit les chercheurs... Mais est-ce que c'est par la responsabilité justement des pouvoirs publics dans son rôle de santé publique justement toutes ces recherches? Oui, mais vous touchez à plein de choses là. Vous touchez aux problèmes des lobbies. Des lobbies pharmaceutiques. Des lobbies des cosmétiques et tout ça. Je veux dire, on va pas dire, c'est sûr, celui qui vend la crème dans le magasin, la Nocibé, n'importe, faut pas prendre celle-là parce que celle-là, il y a plus de trucs cancérigènes. On balance ça et on vous dit rien. Hein, le nombre de femmes qui utilisent des odorants, des choses comme ça, des crèmes et tout, il y a plein de molécules là-dedans. Qu'est-ce que ça devient ? Alors, c'est sous forme, j'allais dire presque anecdotique, mais enfin, c'était une émission sérieuse qu'on avait fait ici. Et puis j'étais parti d'un dossier l'Union fédérale des consommateurs, où on parlait d'une trentaine, je crois un peu plus d'une trentaine de substances, de produits, cosmétiques qu'utilisaient journellement les femmes. Tout à fait, oui. Et puis, j'avais invité, bien sûr, des animatrices de la radio locale, hein, qui étaient là autour de la table avec moi pour voir un petit peu leur opinion sur la question. Il y en a deux qui ont dit, moi j'en utilise peu. Puis il y en a une qui dit, oui, c'est à peu près le chiffre que j'utilise tous les jours. Ah oui. Et parmi, bien sûr, il y avait des perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, il y a tout un dossier de que choisir, hein, pour ceux qui veulent s'y rapporter, sur justement ces substances toxiques qu'elles peuvent retrouver en particulier dans les cosmétiques. Alors, quand on parle de cosmétiques, bien sûr, ça va du savon, hein, jusqu'au déodorant, hein, passant par les produits de maquillage, les produits pour les cheveux, etc., hein, dont les femmes font un usage de plus en plus rapproché et, j'allais dire, intensif aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, hein, je m'excuse d'intervenir, dans des familles, il y a des familles qui sont plus touchés que d'autres. Moi, nous, on a une famille, on est suivi, enfin, ma femme, mes nièces, mes enfants sont suivis depuis Nancy par un je ne sais plus quel organisme qui fait des recherches parce qu'en fait, il y a des liens de cause à effet. Quoi, voilà. Alors, le problème, c'est le problème. Le problème familial, ça touche ce qu'on appelle les cancers familiaux. C'est-à-dire qu'il existe, des familles dans lesquelles on peut retrouver, en recherchant, des gènes. C'est ça. Des gènes qui favorisent le cancer du sein. Et ces gènes, c'est ce qu'on appelle les BRCA1, BRCA2. Et ces deux gènes-là donnent un risque très élevé, un risque élevé de cancer du sein à 70%, et même en même temps un cancer de l'ovaire à 50%. Alors, il faut savoir que, bien sûr, ça c'est très important, mais ça ne touche que de 3 à 10% de la population. Ah, bien sûr. Il reste 90% de cancers du sein qui ne sont pas dépendants des gènes. Et ça, c'est important. Alors par contre, il y a une chose que je voudrais aussi encore insister, sur laquelle je voudrais insister, c'est le rôle des perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on on s'est rendu compte que finalement, il y avait des moments dans la vie, ce qu'on appelle des fenêtres, il y avait des fenêtres où les organismes étaient très très sensibles aux perturbateurs endocriniens. C'est la femme enceinte, l'enfant in utero. C'est pour ça d'ailleurs que on dit maintenant plus d'alcool pendant la grossesse pour les mères. Mais on ferait bien de dire aussi pas de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Donc il faudrait aussi les chercher. Donc il y a cette période-là, il y a la période de l'enfance et il y a la période de la puberté. Et justement dans ces trois périodes-là. Si vous avez justement des perturbateurs endocriniens, vous ne pouvez pas savoir à quel point la cellule, notamment la cellule mammaire, mais ça joue aussi pour plein d'autres cancers, n'est pas sensibilisée justement et ne va pas tôt ou tard déboucher sur un cancer. Alors, est-ce qu'on a des notions aujourd'hui en cancérologie entre le moment où des cellules du corps humain ont été en quelque sorte victimes comment on appelle ça déjà, je cherchais le mot, hein, de déviance en quelque sorte, et se transforment en cancer, et puis l'apparition du cancer. C'est des mutations. Des mutations, voilà, je cherchais le mot. Alors est-ce qu'on a une idée à peu près du délai de latence? En fait, ça dépend. Là, ça va peut-être déboucher sur la prévention secondaire, c'est-à-dire sur le dépistage, parce que c'est vrai que finalement, on sait pas, on peut pas trop savoir, parce que ça dépend aussi beaucoup de l'évolutivité du cancer. Vous n'avez pas un seul cancer. Vous en avez plusieurs, beaucoup plus, puisque de toute façon, il y a des cancers qui sont très lents, et puis il y en a d'autres qui sont très rapides. Et qui posent le problème, par exemple, sur la mammographie de dépistage, de l'intervalle. Parce qu'il y a d'authentiques mammographies qui étaient très bien à un moment donné été, et puis tout d'un coup on refait une mammographie 2 ans plus tard et on trouve un cancer déjà de 1 cm par exemple. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un cancer qui est très évolutif. Et le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est que vous n'avez pas un seul cancer, mais vous en avez plein. Et si on débouche sur la prévention secondaire... Mais les agents pathogènes sont toujours à peu près les mêmes, ou pas? Ben, ils sont peut-être les mêmes. Mais c'est multifactoriel. Oui, mais ils sont peut-être les mêmes. Mais c'est là ce qu'on disait. Il y a l'effet seuil, il y a l'effet cocktail, où vous avez plusieurs substances qui agissent et qui s'additionnent, voire qui se multiplient au sein des cellules et qui agressent la cellule. Qui réagit en se cancérisant. Et donc tout ça, c'est très difficile à apprécier. On ne sait pas trop. On sait une chose quand même, c'est que par exemple, le cancer du sein chez une femme jeune sera beaucoup plus agressif que chez une femme âgée. Ça, on le sait. C'est-à-dire qu'une femme à 40 ans... Les défenses immunitaires sont moins importantes. C'est pas forcément dû à ça. C'est dû à l'agressivité de la tumeur. Parce que bon, on recherche des marqueurs dans les cellules pour savoir si elles sont agressives ou pas, et on trouve plus facilement des marqueurs, très très négatifs dans les cellules des cancers des femmes jeunes. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que le problème de la mammographie, au départ, si vous voulez, on disait, ben c'est simple, on va faire une mammographie à tout le monde et puis on dépistera les cancers. Mais en fait, on s'est aperçu, et on tombe sur la prévention secondaire, c'est là qu'on tombe que sur des problèmes, des vrais problèmes, c'est que quand vous faites une mammographie, eh ben, vous pouvez détecter des cancers, mais vous pouvez aussi avoir des faux positifs. C'est-à-dire, vous avez peut-être un cancer, alors vous reviendrez, on va faire une échographie, on va faire une biopsie, et pendant ce temps-là, eh ben, ça travaille là-dedans. Hein, je veux dire, psychologiquement, les femmes, elles ne sont pas bien. Et puis, vous avez aussi des faux négatifs. C'est-à-dire qu'on va, on dit, ça c'est une tumeur, on fait une biopsie, on ne sait pas trop, eh ben, on va opérer. Et puis après, on dit, au bout d'un certain temps, ben finalement, rassurez-vous, c'était pas bien, c'était une tumeur bénigne ou des choses comme ça. Donc si vous mettez bout à bout tous ces problèmes-là, à la fois les ratés, parce qu'il y en a quand même, mais pas beaucoup, heureusement, vous mettez les faux positifs, les faux négatifs, vous mettez tout le côté psychologique qui importe chez ces femmes-là. L'angoisse, eh ben, quoi. L'angoisse, oui, c'est l'angoisse. Ça. Ben, vous pouvez quand même vous poser des questions sur la réalité de l'intérêt de la mammographie. D'autant plus qu'en France, En France, il n'y a que 52% de femmes qui se font dépister. Donc on fait une... Oui, puis le dépistage à partir de 50 ans. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la période de 50 à 74 ans, c'est 50 à 74 ans, vous normalement, une femme devrait se faire dépister. Eh bien, il n'y en a que la moitié qui se font dépister. Les autres disent, oh, ben, c'est pas grave, ou alors ça ne me concerne pas, et tout, et tout. Donc vous mettez bout à bout... Tout ça, puis vous dites, mais bon, finalement... C'est un examen qui, paraît-il, est quand même un peu pénible. Ben, c'est un peu pénible en ce sens que pour vraiment bien voir un sein à la mammographie, vous devez écraser le sein le plus possible pour que les rayons soient à la fois uniformes et traversent bien et vous donnent une image correcte. Donc c'est vrai que c'est pas très bien ressenti par les patientes. Hein. Se faire écraser les seins, c'est quand même pas terrible. Mais ceci dit, c'est quand même un examen qui est relativement fiable. Pourquoi on a utilisé, est-ce que cette nouvelle technologie, enfin elle est récente, était utilisée plutôt que la palpation, plutôt que... Ah non, mais la palpation, ça c'est plus du dépistage, ça vient du dépistage individuel. C'est dans le cadre, par exemple, de l'examen gynécologique. L'éducation sanitaire aussi des populations féminines. Voilà, c'est ça. Les femmes qui vont voir leur gynéco, normalement, un gynécologue, il doit automatiquement regarder les seins. Donc la palpation qui se fait correcte et tout, pour voir justement si on ne le sent pas. Alors il y a ça aussi, puis il y a aussi l'autopalpation. Ça, il faut aussi que les femmes apprennent à s'autopalper. Voilà. Donc ça, c'est un peu... C'est aussi du dépistage, mais c'est du dépistage individuel. Ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est de la prévention. Oui. C'est de la prévention, c'est de l'éducation. C'est de la prévention primaire. Et ça, c'est de l'éducation. Alors, donc, c'est aussi là un problème... Oui, parlons d'éducation sanitaire, parce que finalement, c'est vrai que la responsabilité, là encore, des pouvoirs publics, et puis des institutions diverses, et des associations de promouvoir... Et des familles aussi. Non, avant même tout dépistage de masse... faire cette éducation sanitaire des masses. Le problème, c'est prendre soin de sa santé, ça commence par soi-même. Hein. C'est un des débuts, c'est se connaître, c'est se sentir. Et c'est des approches, à un moment donné, que souvent, on ne fait pas, hein, faut le dire. Et là, nous, en mutualité, ce qu'on remarque, c'est aussi... ce défaut de d'éducation un peu populaire. D'éducation sanitaire. Et parce que ça fait partie de sa propre vie, quoi. Je crois que c'est de sa responsabilité. Et donc, à un moment donné, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Alors, je me tourne un peu vers Didier, savoir exactement, est-ce que finalement, ça ne devrait pas être dès l'école primaire, cette éducation sanitaire ? Oui, parce qu'on a déjà lutté contre le tabagisme qui devient de plus en plus juvénile, j'allais dire. C'est vrai que ça vient essentiellement d'un problème éducatif. Et c'est vrai que la France, de ce côté-là, elle a un peu de mal. Quand on voit... Parce qu'en fait, on parle de cancer, mais on peut aller aussi plus loin en disant, par exemple, on parle beaucoup maintenant des maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est 77% de l'argent qui est dépensé à la sécurité sociale. Hein. Voilà. 77%, parce que ça comprend les cancers, d'accord, mais il y a aussi le diabète, il y a aussi tous ces... L'hypertension. Toute l'hypertension, la maladie cardiovasculaire, et puis tout ce qui est maladie polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, jusqu'aux problèmes neurologiques, c'est-à-dire l'hyperactivité, l'autisme, tout ça c'est englobé là-dedans. Hein, et en fait, on s'aperçoit aussi que qui sont aussi ou souvent des maladies de civilisation. Mais oui, justement, parce que le rôle majeur est joué dans ces maladies par des comportements délétères pour la santé, comme par exemple l'inactivité physique, le tabagisme, l'alcoolisme, ou même une mauvaise alimentation, ou la manière de voilà. Et puis en plus, vient se rajouter tous les problèmes de la civilisation industrielle dans laquelle on est. Oui. C'est-à-dire que vous avez quand même des postes où les gens travaillent la nuit, où vous avez du stress dans le boulot, vous avez tout ça vient se rajouter. Et puis, ça fait... Voilà, on arrive maintenant à ce genre de catastrophe. Catastrophe. Si on veut, les atteintes à la santé sont multifactorielles. Les campagnes de prévention s'attaquent à un problème, sauf si ce n'est plus les problèmes, non ? Non, je ne pense pas. De toute façon, quand on aborde la prévention, ça touche tout un tas de domaines. Mmh. Là, quand on parle des endocriniens, il faut savoir qu'à un moment donné, quand dans sa propre maison ou dans son propre appartement, rien que la peinture qu'on va y mettre, y compris au travers de la couleur, ça va avoir une importance capitale. Et puis ça peut avoir des effets psychologiques aussi. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Bon, alors après, quand je suis un de ceux qui ont eu la chance d'aller en formation sur ce genre de problème, quand on va, on s'aperçoit que tout autour de nous, l'environnement, il est négatif pour nous, hein, pour nous, on survit, hein, il faut le savoir, c'est une bataille de tous les jours. Donc après, quand on en a conscience... on essaye de faire attention. Alors, je ne dis pas qu'on va tout, du jour au lendemain, révolutionner en disant « je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça ». Parce qu'à un moment donné, on a aussi des habitudes. Le docteur, il parlait du travail, mais le travail, il joue un rôle important. Et là, je suis de ceux qui pensent que sur la réduction du temps de travail, il aurait fallu l'accompagner avec des gens qui vers la population pour qu'ils, y compris, ils se fassent leur propre... éducation, du temps pour s'occuper de soi et comprendre, de se comprendre. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas là. Ou alors, on va faire du sport dans une salle de gym. On fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire, alors que finalement, Alors, c'est bien, on pédale, on fait on soulève des poids, mais des fois, c'est par rapport à la physionomie qu'on a, c'est pas bon. Quoi. Dans une atmosphère qui est quelquefois viciée aussi. Y compris par des perturbateurs endocriniens. Mais enfin, je ne vais pas me dire des salles de sport. Je dois ajouter quand même que nos deux interlocuteurs ont été des sportifs à un moment donné. à un moment donné de leur vie. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est pour ça que la pratique du sport, c'est quand même un sujet qu'il faut aborder dans la prévention. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que à l'heure actuelle, il faudrait qu'on change... S'il y a quelque chose à changer, c'est notre paradigme. C'est-à-dire que, finalement, c'est dès la petite enfance, dès l'école, qu'il faut revoir le problème de l'école, de l'éducation et tout ça. Parce que maintenant, si vous voulez, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mes parents disaient « Ouais, il faut que tu travailles bien pour gagner de l'argent et puis d'avoir une... » C'est fini, ça, c'est fini. Je veux dire, maintenant, il faut apprendre au contraire. La réussite individuelle, la compétition, justement, il faut changer. Il faut apprendre plutôt au gamin à bien vivre, à lui montrer ce que c'est que la vraie vie, ce que c'est plutôt que d'aller s'abrutir dans un travail. Oui, d'accord, on gagnera de l'argent, puis après. Voilà. Didier, donc je pense qu'il faudrait changer un petit peu. Didier sera recommencé, tu ferais le même. Je veux dire, moi au départ, quand j'étais gamin, j'aurais voulu être garagiste. Comme mon père était ingénieur, il n'était pas question que j'arrête mes études à 14 ans ou 15 ans pour aller travailler dans un garage. Hein, il fallait faire des études. Donc voilà, donc finalement, j'ai fait des études. Ma mère ne rêvait quand elle était jeune que de faire médecine. Je pense qu'elle a dû certainement me glisser dans l'oreille que c'était médecine qu'il fallait que je fasse. Bon, en fait, on est quand même un peu déterminé quand même par notre famille, hein. Bien c'est sûr. Clair. Hein. Voilà, mais... milieu familial, quoi, on va dire. Mais je pense que là, il faut qu'on change. Il faut qu'on change notre perspective et justement qu'on voit avec... apprendre à nos enfants à vivre bien et pas à vivre pour le fric, quoi, comme on nous... Dans... À vivre mieux. À vivre mieux, mais aussi avec des Et puis ne pas rechercher forcément le des concepts, matériel, voilà, et puis des concepts d'altérité aussi, de l'autre, que c'est pas parce qu'on marche. Maintenant, autrefois, c'était il fallait marcher sur le voisin, parce que s'il était meilleur que nous, c'était mauvais. Non, je crois qu'il faut, de ce côté-là, il faut revoir toute notre civilisation. Quand on écoute des gens comme Mathieu Ricard, si vous voulez, bon, bah, eux, ils ont tout compris, ces gens-là, c'est clair, hein, c'est clair. Parce que là, on est dans le mur, hein. Faut pas bien le dire, hein. Avec la civilisation dans laquelle on est dans le mur. Avoir ce fossé, ben puis ce fossé qui se creuse entre les hyper riches et puis les pauvres et tout ça, c'est vrai que c'est. Il arrive un moment, on n'arrive plus à se comprendre. Notre phase d'expression n'est plus comprise par certaines couches de population. Élite financière en particulier. Oui, mais parce qu'à un moment donné, on a rendu les gens tellement individualisés qu'à un moment donné, la communication, elle est plus difficile. Parce qu'on se retrouve plus dans des formes communautarisme ou restreint, hein, c'est-à-dire on se comprend entre nous, mais après, le faire partager, c'est ça. La prévention, c'est aussi faire partager quelque chose, quoi. Oui. Donc voilà, et c'est difficile. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Parce qu'à un moment donné, moi, je le ressens. Moi, j'ai des petits-enfants et je ne suis pas d'accord avec leurs parents. Parce qu'à un moment donné, ils mettent dans des conditions... Recherche du confort matériel. Et non, et à un moment donné, on veut leur faire faire plus que ce qu'ils ne sont... Voilà, et après, s'ils sont pas... de situations à régler face à ça, après, c'est toutes les dérives. Le confort matériel, mais on l'a tous. Enfin, je veux dire, y en a quand même, mis à part les gens qui sont dans la rue, qui sont dans la rue en permanence, je veux dire, le reste, on l'a. L'essentiel, on l'a. On vit quand même pas trop mal, mais on crée de faux besoins. Voilà, sans arrêt. On crée de faux besoins. La mode, c'est un faux besoin. Tout, c'est fou. Voilà. Et c'est ça. On va créer des nouveaux aliments, on va balancer du sucre partout, des bonbons, des choses comme ça pour nos gamins et tout, mais ils en ont pas besoin de ça. Qu'une fois de temps en temps, moi quand j'étais gamin à Noël, j'avais quoi? J'avais pas grand-chose, hein. On avait pourtant mes parents, ils étaient issus d'un milieu assez haut, mais on n'avait pas toute cette débauche qu'on a là. On va où? Eh bien, ça, c'est aussi de la prévention, ça. De dire à nos gamins, essayez de vous satisfaire de ce que vous avez. C'est essentiel ce qu'on mange. En particulier, ce qu'on mange, c'est quand même essentiel dans la prévention. Ça fait partie de la prévention, ce qu'on mange. Parce qu'à un moment donné, moi, je vois autour de moi, presque mes petits-enfants, ils mangent que du moulinet ou des trucs qui sont surfaits. Oui. Alors que, je donne un exemple, une bonne purée, même si elle a des morceaux dedans, c'est pas parce qu'elle va être complètement moulinée, machin, qu'elle va être meilleure, c'est pas vrai. Je crois qu'il faut aussi... alors après, on peut l'améliorer, on peut mettre du persil, on peut mettre quelques... Voilà, mais ça reste naturel. Là, aujourd'hui, on ne sait même pas. Il y a certains produits qui sont utilisés. C'est plein d'exhausteurs de goût, des choses comme ça. Alors les gamins, s'ils leur donnent le choix, ils vont vers le Nutella, ils vont vers les trucs comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, il y a énormément de... Alors qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Il y a tous les lobbies. Les lobbies des boîtes alimentaires, les lobbies... C'est sûr, hein. Les lobbies alimentaires. Alors, quand on parle comme ça, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, si on nous écoutait en train de parler, là, ils font des bons comme ça, hein. Et c'était typique quand même. Il y avait donc sur ce... je ne sais plus quelle émission de télé, je ne vais pas m'y référer, entre deux chocolats en poudre, hein, chocolat de petit déjeuner, les... Faute d'éducation sanitaire, bien entendu, les jeunes, ils allaient vers le produit plus sucré. Oui, ben oui, c'est ça. Énorme, c'est énorme. Après, ouais, les doses de sucre dans le chocolat. Et c'est là que je vous disais que les problèmes de fenêtres, les fenêtres thérapeutiques, les fenêtres d'âge, si vous donnez beaucoup de sucre à ces enfants qui sont en pleine formation, après, on s'étonne qu'il y a du diabète, il y a des diabètes de type 2 qui explosent. Ben, voilà, voilà un exemple de prévention. La prévention, c'est justement arrêter de mettre du sucre, arrêter de mettre du sel aussi, les choses, que ce soit dans tous les aliments et tout ça. On disait à l'école, quand j'étais jeune, il y avait un proverbe, le gourmand creuse sa tombe avec ses dents. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est toujours valable aujourd'hui, plus que jamais, certainement. Plus que jamais, puis en plus, ça engendre des souffrances, parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est obèse, je me mets à sa place. Mmh. Moi, je suis déjà d'une bonne corpulence. Oui, t'as oublié pour... Oui, j'ai... Mais je sais à quel point, ben, il ne faut pas que j'aille au-delà. Donc, à un moment donné, je vais être aussi obligé de dire, ben voilà, là, ça, je ne veux pas. Moi, je vais dire, j'aime bien la salade. Moi, j'ai un jardin, je fais je ne sais pas combien de salades. Ma femme, la salade, ce n'est pas trop son... Ben, il faut composer dans le couple aussi, c'est ça. Oui, mais quand même, ta femme est mince, tandis que toi, tu as... Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, mon organisme, il n'est pas le même que le sien. Voilà. Oui, mais et puis aujourd'hui, avec le cancer qu'elle a eu, maintenant, elle est obligée de se corriger sur certains défauts qu'elle avait, y compris en alimentation. Mais voilà, c'est dur. Hein, je pense par exemple à quelque chose qui est bon, que j'aime bien, c'est la betterave rouge. J'en ai planté, je ne sais pas combien, je ne sais même pas ce que je vais en faire. L'année dernière, j'ai voulu les donner, on m'a dit que ça colore les urines, je ne sais pas quoi. Hein, bon, c'est pas gênant. À un moment donné, moi ça ne me gêne pas. Mais à un moment donné, je me sens bien avec ce que je mange, qui est naturel. Voilà, c'est aussi important. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'est... y compris avec des trucs de base, on se fait plaisir, quoi. Je crois que c'est aussi ça, manger une betterave rouge râpée ou en vinaigrette, en faisant attention de ne pas mettre que de l'huile dedans non plus. Est-ce que les trusts agroalimentaires, enfin les grands groupes qui préparent notre alimentation, qui est de plus en plus artificielle d'ailleurs, est-ce que justement ils ne jouent pas sur ce registre que l'alimentation, ben, c'est aussi affectif, quoi. C'est affectif, la relation avec l'alimentation. Tout à fait. C'est tout à fait affectif. Mais là, vous parliez, justement, quand on parle d'alimentation, il y a des choses qui sont importantes à considérer. Vous voyez vos grands-parents, les arrière-grands-parents, quand ils mangeaient, hein, vous avez des festins, vous aviez souvent deux viandes, un poisson et tout ça et tout. Comment ils étaient bien bedonnant et tout, mais c'était un statut qu'ils avaient et ça posait le bonhomme. Maintenant, quand vous voyez un type qui est gros, qui est obèse et tout, on se fout du... Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était quelqu'un qui était respectable et tout et tout. Donc c'est pour ça aussi que... D'ailleurs, il y a eu un transfert entre des catégories... Ça change. Entre les catégories aisées, qui étaient bedonnantes, comme tu le dis, et puis voilà. les catégories populaires qui aujourd'hui se nourrissent d'alimentation préparée. Alors justement, on parle d'alimentation préparée. C'est vrai que d'un autre côté, j'en reviens encore aux perturbateurs endocriniens et tout ça. Et je crois que là aussi, il faut qu'on fasse attention de tous ces plats qui sont préparés à l'avance et tout, avec les additifs, les exhausteurs de goût et tout ça. Conservateurs. Là-dedans, il y a des perturbateurs endocriniens. Il y en a à la pelle. Je crois qu'il faut regarder aussi maintenant, donc, la composition du produit, puisqu'aujourd'hui, c'est obligatoire de... Oui, mais là on peut aussi aller plus loin en disant, bon, ben, vous d'accord, vous avez le E150, E372, tout ça. Mais je veux dire, ça ne vous dit pas le nombre de pesticides qui est dedans aussi. Bah oui, exactement. Hein, oui. Donc, vous pouvez très bien dire, ben, moi, je supprime des additifs, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, des pesticides dans les choux de Bruxelles que vous avez mangés ou les choses comme ça. Alors maintenant, on dit, ben, il faut manger bio, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment bio? Est-ce qu'il y a des contrôles? Je pense qu'il y a un autocontrôle quand même par la filière qui a tout intérêt. Ah oui, on espère. Mais c'est vrai que c'est pour en revenir à ces pesticides. Moi, j'ai été quand même extrêmement perturbé, c'est le cas de le dire, quand on m'a dit qu'à côté des vignes, à côté des vignes, dans tel village, il y avait je ne sais combien d'enfants autistes dans l'école qui étaient juste à côté des vignes où on balançait des pesticides sur les raisins. Toi, en tant que praticien, tu penses qu'il peut y avoir une relation entre l'autisme et puis justement perturbateurs endocriniens. Enfin, l'autisme, oui, je pense aussi. Je pense qu'il y a l'autisme, mais surtout l'hyperactivité des gamins. Hein, que de toute façon, il faut savoir que ces fameux perturbateurs endocriniens, il y en a quelques-uns qui ont une neuroappétence, une neurotoxicité qui est très importante. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, regardez les produits phytosanitaires qu'on distribuait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il y a des types qui se sont retrouvés avec des paralysies et puis qui en sont morts hein, quand même. Hein. Donc on a vite fait de retirer tout ça. C'est pareil pour les pesticides, puisque les pesticides, maintenant, on voit les gars, maintenant, quand ils mettent les pesticides, ils sont harnachés avec des masques à gaz et tout ça, et tout. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qui s'appelle « Nos enfants nous accuseront ». Je crois que c'est ça, ce titre-là, justement, qui fait part d'une cantine bio, hein, puisque à la fin, c'est la réalisation d'une cantine bio vers les jeunes. Hein, alors, aujourd'hui, d'ailleurs... Alors là, il faut faire très attention, parce que Il y a des produits qui sont marqués bio et qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils respectent les normes dites européennes et qui ne sont pas des normes à prendre en compte. Parce que là, c'est vraiment... je ne sais pas, hein, mais il faut regarder certains produits. Au niveau de la mutualité, là, c'est question de produits bio. On est très attentif parce qu'en fait, le bio, c'est maintenant devenu pour vendre. C'est plus quelque chose pour... C'est la rentabilité. Voilà, c'est la rentabilité. Bah, il faut le bio proche de chez soi la plupart du temps, c'est le meilleur. Mais quand vous dites que la mutuelle, elle fait très attention à la mutualité, elle fait très attention. Comment vous faites attention à ça? Est-ce que vous êtes derrière chaque paysan quand il y a une pluie qui va balancer de... Non, mais à un moment donné, on essaye de faire comprendre qu'il faut être attentif à ce qu'on achète qui est marqué bio. Parce qu'en fait, il y a des magasins qui vendent du bio, et c'est pas du tout du bio, mais enfin, ils respectent des normes qui sont pas... qui sont insuffisantes. Qui sont, voilà, oui, qui peuvent dire, bah voilà, il y a eu tant de pesticides dedans, ça passe encore, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais moi, une tomate qui pousse... Ben non, la filière bio s'engage quand même à ne pas utiliser la plupart des pesticides. Enfin, le raisin, par exemple... Normalement, il y a certains produits qui sont autorisés. Le problème aussi, c'est de savoir aussi d'où viennent les produits. Hein, je veux dire, on importe d'Espagne ou on importe... On ne sait pas ce qui se passe dans ces pays-là. C'est-à-dire que si un cultivateur bio près de chez soi... Hein, ben on sait comment que les produits sont conditionnés. Oui, mais la plupart du temps, ils l'ouvrent. Oui, mais parce qu'il y a un contrôle, là, peut-être. Il y a un contrôle. Il y a un autocontrôle aussi. Mais ici, dans le département, il y a des jeunes qui reviennent à la terre. Et eux, les produits phytosanitaires, etc., ils n'utilisent pas. Ils préfèrent avoir de... Parce que dans un jardin, la mauvaise herbe, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Avant, on faisait des tisanes de chiendent, par exemple. Oui. Hein? Et donc, pourtant, on déclare que le chien dent, c'est mauvais, il faut l'arroser pour le tuer. Parce qu'en fait, il y a tellement de ramifications sous terre du chien dent que c'est difficile à arracher. Mais à un moment donné, le chien dent, s'il est là, c'est qu'à un moment donné aussi, il est utile à la nature. Parce qu'en fait, C'était utilisé en cas de dépuration. Comme dépuratif, hein, le chien d'un. Oui, c'est ça, oui, certainement. Un tisane de chien d'un est utilisé autrefois comme dépuratif. Encore aujourd'hui, je suppose. Mmh. Mais c'est vrai que pour en revenir au bio, il y a énormément de problèmes là-dessus. Parce que, je veux dire, dire que c'est du bio, d'accord, mais... 100%. Oui, c'est pas 100%, sûr. C'est pas sûr. Alors, il y a des produits, c'est vrai, qui sont... Alors, c'est pour ça que de plus en plus, maintenant, vous avez des petits cultivateurs locaux qui font des paniers et tout ça. Là, moi, j'aurais plutôt confiance... Des opérations portes ouvertes. J'aurais plutôt confiance à ces gens-là, plutôt que le bio qu'on balance, mais du commerce qui est fait comme ça. L'action importée. Parce que c'est une hérésie complète d'importer, par exemple, des fruits bio de Nouvelle-Zélande. Alors que ce n'est pas la saison de manger des kiwis, par exemple. Hein, ouais. Maintenant, on va dire, oui, mais bon, le bio, c'est cher. Mais d'un autre côté, si vous faites, si vous, Si vous dites aux gens, écoutez, vous allez payer 50 centimes ou 1 euro de plus votre kilo de je sais pas, de pommes de terre ou de choux de Bruxelles ou de choux ou n'importe, et puis vous avez l'assurance que vous ne serez pas malade dans 10 ou 20 ans, peut-être qu'ils les payeront, hein, ils les mettront peut-être les 1 euro. C'est plutôt que d'avoir, santé, voilà, se retrouver à 50 balais avec un cancer du côlon ou un cancer du sein pour une femme ou des choses comme ça. Ou ne serait-ce qu'un gamin, qui a un autisme ou une hyperactivité, parce que, voilà, c'est... Si j'ai bien compris, excuse-moi, si j'ai bien compris, l'un comme l'autre, vous pensez que la façon dont on se nourrit en particulier, mais le milieu de vie c'est véritablement sur ça qu'il faut agir au niveau de la prévention primaire. Ah, moi je pense. Oui, absolument. C'est que c'est une discipline qui devrait, voilà. qui existe maintenant, c'est la médecine environnementale, et où il faut faire attention maintenant à tout, quoi, à tout. Aussi bien la qualité de l'eau, que la qualité de l'air, que la qualité des aliments, que de tout, des produits en général, tout ça. Et ça, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut que les gens, il faut qu'ils communiquent, enfin que les chercheurs communiquent tous ensemble sur là-dessus pour trouver. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles à ce niveau-là, puisque quelquefois l'étude de certains produits sont faites par des spécialistes. Ben voilà. C'est là qu'on se retrouve. Des spécialistes qui sont dépendants des trusts, par exemple agroalimentaires. Mais pas seulement des trusts agrochimiques, on veut dire. Mais là, on peut répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait, l'agroalimentaire, il y a des endroits où on ne peut pas faire pousser certains légumes, certaines plantes. Parce que le climat et le microclimat qu'il y a fait en sorte que tu ne peux pas. Et aujourd'hui, on arrive à mettre des produits chimiques qui vont faire quand même pousser dans ce terrain-là. C'est l'exemple des tomates, des fraises. L'exemple des tomates, il est flagrant. On ne mangeait pas des tomates hors saison. Aujourd'hui, on mange des tomates toute l'année. On a des importations, c'est bon. Mais quand je prends le goût de la tomate, moi, je ne m'y retrouve pas. C'est clair. Et donc, à un moment donné, puis alors, il y a un autre problème, c'est que si la tomate, elle est un peu déformée, on ne va pas y toucher. Attention, celle-là, il ne faut pas toucher, c'est, voilà, on a créé psychologiquement aussi la forme, la couleur, et puis l'aspérité propre, luisant. Eh bien, ça, je m'excuse. Il y avait même des agrochimistes qui avaient imaginé des tomates carrées. Pour pouvoir les ranger plus facilement. Les stocker plus facilement. Bon, je crois que c'était abandonné, mais J'ai eu l'occasion d'aller une fois à l'INRA, et donc il y avait des chercheurs qui étaient là, et ils avaient une tomate qui faisait à peu près 50 cm de diamètre. Ils étaient capables de faire une tomate de 5. Bon, alors après, le problème qu'ils avaient, c'est que... C'est que de l'eau, c'est pas bon, quoi, voilà. Et donc, ils ont tenté, Alors donc, ils ont dû mettre des produits chimiques, et voilà. Et donc, à l'INRA aussi, il y a un travail qui est fait dans ce domaine, qui est pour... c'est les produits transgéniques. On appauvrit aussi artificiellement la terre, puisque à un certain moment, donc, ces produits qui sont, dont certains sont délétères, deviennent pratiquement indispensables, parce que la terre, c'est... énormément appauvri à cause des rendements qu'on exige. Voilà, justement. On est toujours dans un problème de rendement, d'argent. C'est vrai que c'est quand même incroyable. Les étapes de 1000 vaches, etc. Et ça pose un autre problème. Alors, c'est le problème des experts. Alors là, c'est un vaste problème parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a énormément de conflits d'intérêts. Gens, ils sont à la fois au four, au moulin, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire pencher la balance d'un côté, et c'est du côté où ça leur rapporte le plus, quoi, finalement. Et nous, c'est ce qu'on trouvait aussi en médecine sur les produits pharmaceutiques, sur tout ça, quoi. Je veux dire, vous aviez des campagnes, encore plus maintenant, c'est de ce côté-là, ça a changé un petit peu, mais il y a une vingtaine d'années, vous avez des labos qui emmenaient encore 50 ou 60 médecins, soit médecins traitants ou spécialistes, pour que ceux-ci prescrivent tel ou tel médicament, même si leur médicament il était plutôt dangereux ou il était plutôt... mais ça, il faut le dire, c'était vrai. c'est vrai. Il a constaté quand maintenant, même. Maintenant, quand même, il y a quand même une réaction. Hein, certains médicaments, là, ils viennent d'être déclarés, hein, par le résultat que ça a donné sur l'utilisation, hein, qui est quand même dangereuse. Quoi, voilà. Et donc, à un moment donné, il y a quand même une légère prise de conscience. Mais là aussi, ça repose malheureusement, que... Malheureusement, il y a quand même un effet retard dans cette prise de conscience. C'est-à-dire, que malheureusement certains ont essuyé les plâtres, comme on pourrait dire. Hein, bien sûr. Ont été exposés des produits délétères. Un problème qui est de ma spécialité, un problème gynécologique, c'est le problème de la pilule. La pilule, pendant longtemps, on a dit, la pilule, vous pouvez la prendre, ça ne donne pas le cancer. Puis un jour, on a dit, on va faire une étude. Hein, on va prendre 1000 femmes... à qui on va donner la pilule, et puis on va prendre 1000 autres femmes, et puis on va les suivre pendant des années, comme ça. Mmh. Et bien, au bout de 3 ou 4 ans, ils ont arrêté les études. Pourquoi ? Parce que les femmes qui prenaient la pilule, ben, elles avaient beaucoup plus de cancer du sein que les autres. Donc ils ont dit, maintenant, voilà. Donc il faut quand même le dire que la pilule, c'est un facteur de risque de cancer. Même s'il est faible. C'est un facteur de risque. Facteur de risque à partir du moment où vous avez plus de cancer d'un côté que de l'autre, de toute façon. Comment on peut promouvoir la contraception, qui est nécessaire, parce que si on multiplie le nombre d'individus à l'échelle de la Terre... Alors le problème, c'est que j'ai prescrit la pilule et je continuerai à la prescrire, mais je ne dirais pas, par exemple, je ne dirais pas à une femme de prendre la pilule de 18 ans jusqu'à 45 ans ou 40 ans. À un moment donné, il faudra arrêter, faire autre chose, prendre des stérilets ou voilà. Bien sûr que la contraception, elle est nécessaire, mais il faut quand même le dire qu'il y a un petit risque quand même. Il existe, mais pourquoi le cacher ? Pourquoi le cacher ? Oui, il faut que... Pourquoi le cacher ? Le choix aussi de sa contraception. Bien sûr, tout à fait. Il faut savoir qu'en tout domaine... Il y a toujours un risque. Il n'y a pas une garantie absolue à 100%. Non, moi, je vois ma femme, par exemple, si je prends notre cas... On a introduit une molécule chimique dans le corps. Ma femme, elle n'a pas supporté le stérilet. 2 ou 3 grossesses extra-utérines. Ah oui. Hein ? C'est pas qu'il était mal posé, c'est qu'à un moment donné, l'organisme le rejetait. Et donc, le corps, il a aussi sa fonctionnalité. Je m'excuse, je suis peut-être un peu brouillon, mais il faut aussi que ceux qui vont nous écouter puissent... Au terme de cette émission, je ne sais pas si notre cher technicien a pu programmer une pause musicale. Non, on va continuer alors. 2 minutes avant de conclure cette émission. Je pense qu'il faudra qu'un jour ou l'autre on reprenne. En ciblant plus sur tel ou tel domaine. À l'occasion d'une campagne de prévention qui peut être faite. Par exemple, on peut parler. En particulier, j'ai aussi fait des émissions avec AvoDeca, avec différents partenaires, hein, aussi bien des lycéennes il y avait autour de la table à la fois des lycéennes, à la fois qui se destinaient d'ailleurs à la prévention, la mutualité qui était représentée, et puis la caisse primaire d'assurance maladie. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément des praticiens de terrain comme Didier, qui a vraiment l'expérience, et on n'avait pas non plus des personnes qui pratiquaient journellement la prévention. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Bien.